na voiture asika pembeni ya sheri nga na ye tokei na sele tokei ba mipro ya pikini chuchu opesanga kido na milakisa tokomi na kongo ya emancipation mwasi mobali se na yena chuchu sombelanga voiture amoke nga natambwisaka mpo badima yo soki onimi yenga moko na kopona marke ya voiture okosombelanga nalingi na ngai eskota moke oyebimi na sejac mwana voiture ya jos kopona marque ya voiture okosombelanga nalingi na ngai eskota moke oyebimi na sejac mwana voiture ya jos ses pantalons d'hier na koka mwandenge na komema yango na se ma papa na miso ba jumele d'hier oh bikini ki ansele na baka miso na rétroviseur d'hier na simba bouton ya radio mabe musique à pièce nationale, elle est là, yeah. Oh, chérie, ce qui n'a pas dit l'ibaku, comme on a eu un monoko et coco, c'est beau. Tu vas coûter un go, tu vas te zangater. Sure. même papi vraiment n'a pas comme noter tu n'as pas